Chers amis, bonjour. Hoy estoy con Hilda. Muy bien. Hilda, una estudiante de la Universidad de Niza que ha venido para los intercambios Erasmus, como casi todos los chicos que vienen aquí a nuestro espacio. Hilda, elle est ¿dónde es Hilda? De Nice. Voilà, de Nice. Y entonces le he dicho que, ¿por qué no nos hablaba de su región? Y me dijo, de acuerdo, voy a empezar por la región PACA. Y le dije, ¿eso qué es PACA? Alors, qu'est-ce que c'est que ça, PACA? Oui, donc la région PACA, c'est la région dans laquelle se trouve la ville de Nice. Elle est située au sud-est de la France. Elle est limitrophe de l'Italie, dont elle est séparée par les Alpes méridionales. Au nord, elle est voisine avec la région Rhône-Alpes et à l'ouest avec le Languedoc-Roussillon, dont le fleuve du Rhône marque la limite. Ah, très bien. Y vamos a ver, PACA. Es un sigle, una sigla. ¿Qué significa PACA? Oui, donc, excusez-moi. Donc PACA, c'est Province Alpes-Côte d'Azur. Alpes-Côte d'Azur. Quiere decir que coge un parte de los Alpes y la Costa Azul. Sí, tout à fait, c'est voilà, ça. Voilà, la région PACA. Très bien. Donc, alors, en France, siempre vamos con los departamentos, ¿verdad? Oui, oui. Entonces, ¿qué departamentos hay ahí? Donc, dans la région PACA, il y a exactement 6 départements. Mm-hmm. Donc, je vais vous les citer. Il y a tout d'abord les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, le Var et le Vaucluse. Muy bien, muchos ríos. Si, tout à fait. On peut dire que la population de cette région est inégalement répartie. Elle est plutôt dense sur la côte et rare en montagne, donc dans l'arrière-pays dans ou l'arrière-pays. Moyen pays. Oui, voilà. On va très bien. Bon, alors c'est une région montagneuse, alors ce que vous venez de dire, et montagneuse, voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est une région qui a un relief diversifié avec des zones de haute montagne, comme les Alpes. Mmh. Des reliefs côtiers, donc la Côte d'Azur, dont on vous parlera plus tard, et dans sa partie occidentale, des zones de plaine, dans la basse vallée du Rhône, par exemple, où se termine, où débouche le delta marécageux de la Camargue. Sí, claro, porque el Ródano, el Rhône es el Ródano, ¿verdad? Lo decimos para nuestros oyentes. D'accord. El Ródano, claro, como todos los grandes ríos del Mediterráneo, termina en un delta, claro. Exactement. Comme el Ebro, el Nil. Tous les grands fleuves se terminent par un delta, donc le Rhône également. Mmh. Oui, c'est ça. Très bien. Et on peut dire aussi que le point culminant de cette région donc, se situe à la barre des Écrins, qui est à 4102 mètres d'altitude dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes. Voilà, très pour bien. Situer le relief un petit voilà. peu. Voilà, très bien. Ah, il fait beau, la Côte d'Azur, il fait beau. Le climat, comment est le climat à donc, c'est une région plutôt agréable à vivre, puisqu'elle connaît donc à la fois la chaleur de la côte et en même temps la fraîcheur des montagnes. Voilà. Et donc on a l'avantage des deux climats parce que les montagnes sont à 1 heure de distance avec la mer. Claro, y los, Voilà. Los artistas, los, toda la gente que tiene dinero, ¿verdad? Los adinerados de este mundo tienen muchas casas en esa zona, ¿verdad? En la Oui, zona oui, oui. montañosa, así resguardada un poco. Es Beaucoup une très... de résidences secondaires, oui, de personnes une très riches, jolie raison. c'est ça. Très bien. Et alors, évidemment, el clima mediterráneo da flores, ¿no? Oui, c'est ça en fait. Grâce à la diversité du climat de la région, et on a une végétation aussi très diversifiée, donc allant des sommets alpins jusqu'aux côtes méditerranéennes. Donc la Provence est la région de la France la plus dotée d'espèces animales et végétales. Oui. D'ailleurs, on a recensé donc 3 parcs nationaux, 4 parcs naturels régionaux et 3 des 10 réserves de biosphère de France. Ah, très bien. O sea, que es una zona turística, pero un turismo ecológico, digamos. Oui, c'est ça, Un turismo exactement. noble. Tout à fait. Le bon tourisme de nos années du 21e siècle. Muy bien. Alors, dices que hay parques nacionales y hay parques regionales, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos dices de esos parques? Donc, je vais vous faire un petit commentaire sur les 3 principaux parcs nationaux. Mm-hmm. Alors pour situer un petit peu les auditeurs, en Castilla y León, on a aussi les Picos de Europa, donc ce serait l'équivalent donc du parc national par exemple du Mercantour. Ah voilà. Premièrement, Montagne. qui est situé oui dans le département des Alpes-Maritimes et donc qui est à cheval entre deux départements, le département des Alpes-Maritimes et le département des Alpes de Haute-Provence. Donc c'est un parc de 68 500 hectares. Oh, c'est énorme. Oui, c'est vrai, oui. Et bien, bien étendu. C'est le parc qui a la flore la plus diversifiée au niveau national, avec 2000 espèces de plantes, dont 200 rares et 30 endémiques, donc propres à la région. Pour la faune, je dirais que le parc donc, compte 58 espèces de mammifères, dont les 7 ongulés sauvages. On peut citer le chevreuil, le sanglier ou le chamois. Donc Mais il y a des loups aussi, non? Hay lobos ahí, non? Oui, tout à fait. Il y a des loups. Ay, me hace mucha gracia, porque esta niña tiene un acento del sur muy, muy, muy claro. Y dice la faune. Y la gente del norte diría la faune. Oui, c'est vrai. La faune. La faune. La faune, une très jolie faune. Eh bien, très bien, on a retenu ça au moins. Oui. Et ensuite, vous avez le parc national des Écrins, vous m'aviez dit. Oui. Et puis ensuite, vous avez, y en a un autre qui est... Le parc national de Porquerolles. De Porquerolles, pardon. Très bien. Mais le plus, el más conocido, sería el Mercantour, ¿verdad? Oui, le Mercantour, voilà. Oui. Et dans les parcs régionaux, qu'est-ce que vous avez dans les parcs régionaux? Dans les parcs régionaux, je vais vous parler plutôt de donc, l'un des parcs les plus emblématiques, celui de la Camargue. Muy bien. Donc la Camargue est l'espace marécageux donc formé par le delta du Rhône dont on a parlé tout à l'heure. C'est un espace terrestre de 145 000 hectares au sud de la France, donc qui s'étend sur les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard. Voilà. Es la zona que está entre los dos brazos del delta del Ródano. Oui, c'est ça. C'est esa zona. Una zona pantanosa, marécageuse. Très bien. Donc, on peut dire que cette région est composée de deux parties. Une région nord avec des terres agricoles et le sud plutôt composé de marais et de plantes d'eau salée qui forment un écosystème particulier. C'est de là d'ailleurs qu'a été créée la réserve naturelle nationale et le parc national régional. La Camargue, para Francia, Camarga, desde el punto de vista agrícola, es la zona del arroz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es nuestra Valencia, ¿verdad? Oui, nuestra, oui. Es como la albufera. C'est quelque chose d'un petit peu parallèle à l'albufera, c'est un peu la même idée, c'est une zone marécageuse que se cerró con una lengua de tierra y allí se ha quedado allí la laguna, ¿verdad? Et tenemos un arroz también muy bueno. Es la única zona donde tenemos arroz, además, en Francia. Il me semble, oui. Oui, il n'y a pas de riz ailleurs, impossible. Très bien. Alors dites-nous la Camargue. Vous avez quelque chose d'autre à nous raconter sur la Camargue? Oui, j'imagine. Oui, alors c'est également donc, un domaine d'élevage de chevaux et de taureaux. Et toros. Ah, oui. Alors vous allez nous en parler de ça. Oui, on peut parler donc, de la tradition liée à ce territoire, qui est l'équitation Camargue. C'est avec ses propres niveaux de galop, elle a ses propres championnats et épreuves, donc depuis 1995. L'équitation Camargue donc, tire son origine du travail des gardiens, donc, qui sont des cavaliers. Il y avait une canción muy conocida de un tal Tino Rossi, que se llamaba Les gardiens de la Camargue. Sí, sí, es una figura emblemática, así como folclórica, ¿no? Sí. Oui, il aurait fallu la mettre, oui, mais... Ah oui, mais c'est vieux, vieux, vieux. Et la gente joven no le gusta a Tino Rossi. Entonces no, pero la citamos de paso. Donc ces gardiens, qui sont donc des cavaliers, s'occupent de bovins dans la Camargue. Et cette équitation se pratique sur des chevaux donc de Camargue ou de type Camargue. C'est une race de bovins assez sauvage. Oui, c'est ça. Donc avec une technique de monte et un harnachement spécifique. Donc ça, c'est une tradition qui a des racines paysannes. Donc c'est l'équitation la plus ancienne à ce jour. Oui. Donc la confrérie des gardiens fêtera en 2012 ses 500 ans. Ah oui, les Français sont très très amateurs de confréries. Hein. Las cofradías, oui. Pero no son de Semana Santa, sino que son cofradías profesionales. Un día tenemos que hablar de eso, las cofradías en Francia. C'est vrai, oui. Sí. Donc pour la Camargue, on peut aussi parler de la course camarguaise. C'est un jeu taurin sans mise à mort du taureau, dans lequel les participants tentent d'attraper des attributs fixés au corps d'un taureau. Donc c'est un jeu très populaire de l'Hérault à Arles, en passant donc par la Camargue et le Gard. Donc la course camarguaise est reconnue comme sport par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Ay, mucho ojo entre la corrida y el juego, ¿cómo dices? Juego taurino. Ay, qué gracia. Sí, que no se mata el toro, ¿verdad? C'est vrai, oui. Busqué en internet corrida en Google Francia y no he encontrado más que sitios donde si pudieran matarían a la corrida. Il n'y a que des sites contre la corrida. On ne trouve pas un seul site pour la corrida. Il n'y a que les programmes de fêtes où on trouve des sites pour la corrida. C'est curieux. Mais oui, bueno, el juego taurino, si se permite, ¿verdad? Oui. Voilà. Bon. Mais il y a des corridas en Provence y así. Hay corridas, ¿verdad? Oui, donc à Arles, oui. Oui, à Arles. De vraies corridas. Nîmes. Oui, à Nîmes aussi, il y a des corridas très, très célèbres, c'est vrai. Voilà. Bon, ben vous nous avez dit l'essentiel, je crois, de cette région. Oui, de la région oui. Donc, on va faire passer un petit peu de musique. On va demander à notre technicien de nous envoyer un petit peu de musique. Hein, et puis ensuite, nous allons continuer sur, sur d'autres choses de la région qui vont être très agréables à entendre. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Tienes que hablar de la Costa Azul, porque es lo más relevante de la zona PACA, ¿verdad? Oui, c'est vrai. Alors, cette Côte d'Azur, La Côte d'Azur est très connue dans le monde entier. Elle recouvre le littoral du département donc des Alpes-Maritimes dans son entier. Elle est encadrée au nord par les Alpes du Sud, dont certains sommets dominent la mer de près de 3000 mètres déjà. Donc, je vais vous parler de certaines villes de la Côte d'Azur qui sont connus aussi internationalement, comme Cannes, par exemple. Cannes, oui, voilà, bien sûr, Cannes. Alors, pour qué conocemos Cannes? Pour son festival, justement, pour son festival du film. Donc, c'est le festival le plus médiatique en France et l'un des plus médiatiques au monde. Chaque année, donc, durant la seconde quinzaine de mai, la ville de Cannes est envahie par des cinéastes et prise d'assaut par des milliers de photographes. Et c'est au palais des festivals et des congrès, situé donc sur le boulevard de la Croisette, que les principales projections ont lieu. Et pendant une dizaine de jours, donc la ville est entièrement chamboulée par le festival. La Croisette est envahie par 4500 journalistes et on... La foire au cinéma, hein, la feria del cine, c'est plus Cannes. Hein, pero lo bonito de Cannes es la Croisette, que es el paseo marítimo de Cannes, ¿verdad? Oui, hein, c'est ça. La promenade maritime de Cannes. Et très bien. Et alors, hay otras ciudades, ¿verdad? Otros sitios así en la Costa Azul. Oui. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles escogerías? Je parlerai de Monaco. Ah, Monaco. Pero ya no es Francia, ¿verdad? Non, justement, c'est un cas particulier, c'est un état qui occupe donc une superficie seulement de 2 km². Donc après le Vatican, c'est le deuxième plus petit État indépendant au un monde. Un confetti, comme disent. Tout à fait. Donc c'est donc qui contient, on va dire, 32 796 habitants. Et donc c'est le pays le plus densément peuplé au monde. Au kilomètre carré, ce sont 16 398 habitants. C'est énorme. Oui, je mais sais. Oui. Ils vivent pas tous là. Ils sont résidents, mais ils ne vivent pas forcément tous là. Oui. C'est vrai. Oui, il y a beaucoup de donc c'est un territoire où il y a beaucoup de nationalités. Finalement, les monégasques ne sont qu'au nombre de 6089. Ah oui, voilà. Et le reste, c'est donc pour la plupart des Français, des Italiens, beaucoup d'Italiens. Oui, des Britanniques aussi. Aussi attirés par le climat. Claro, los británicos siempre buscando el sol, ¿verdad? Claro. Ouais, là, ils le trouvent, oui. Très bien. Et alors Monaco, si Cannes est le ciné, Monaco, qu'est-ce? Monaco, on pourrait parler du Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco. Ouais. C'est l'une des plus anciennes et prestigieuses courses automobiles. Voilà. Donc c'est le circuit se fait dans la ville. Voilà. C'est le circuit le plus lent et le plus dur du championnat du monde de Formule 1. Voilà. Alors la course automobile et puis aussi. Et puis aussi les Masters de Mild, de tennis. Les Masters de tennis. Oui. Donc en fait le sport à tout va. Bon. Moi d'ailleurs, master auquel Rafael Nadal a gagné 4 fois d'affilée. Es verdad, verdad. Gran ganador de los premios de tenis de Monaco. Muy bien. Oui. Pues nos quedan muchas cosas por decir, así que yo creo que para otra semana tiene Hilda que volver a estar con nosotros. Venga, de momento, hasta luego. Hasta luego, gracias.